Examen 1, compréhension de l'oral. Exercice 4. Situation 1. Nous allons voir maintenant la plus belle pièce de notre collection d'art africain.